a eu droit à toutes les pires injures, pas des injures d'ailleurs, des procès qu'on peut tout à fait trouver légitimes, comme la misogynie, la grossièreté, ceci. Je crois que c'est une première couleur, c'est une première lecture, et je m'en veux, dans un premier temps, d'ailleurs je me souviens, je vous en avais parlé il y a quelques années lorsque j'avais écrit ce livre, d'avoir présenté souvent Flaubert sous un aspect pittoresque, comme ça, très tempétueux. Et je crois que c'est une première lecture. Et en tant que, moi, j'ai découvert Flaubert comme comédien, puisque c'est un auteur, Arnaud Bédoué, qui m'a proposé un jour, qui m'a dit c'est pile pour toi, et qui m'a proposé la correspondance que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est comme comédien que j'ai appréhendé ces textes, et puis après j'ai approfondi. Et dans un premier temps, j'étais fasciné par la possibilité multiple protéiforme, comme il le disait, je suis un ornement de marqueterie, disait Flaubert à propos de lui. Et donc, tous les possibles étaient, il y avait une liberté dévergondée qui propose, pour le jeu, c'était très très agréable pour moi, cette protéiformité. Et puis après, plus je l'ai relu, plus je me suis rendu compte que il y avait dans tout ça des fils très tendus, extrêmement profonds, philosophiques, discrets, élégants. Et il faut, par exemple, faut se rendre compte que la plupart de sa correspondance termine toujours par une dernière tendresse. Après avoir été tempétueux, violent, gueulard, comme il le disait, il y a toujours une expression ou de grosse tendresse, de gros labrador, ou une phrase d'amour. Il était capable de dire à Tourguenieff, mon amour. Et chez lui, il y a c'est pas le goût. C'est un homme des extrêmes, quoi. Et c'est peut-être parce que, justement, il est l'homme des extrêmes qu'il est l'homme aussi de la pureté absolue dans ses romans. Enfin, je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là, je crois. Mais c'est une des hypothèses que je vous proposais, justement, c'est de savoir est-ce que cet enfermement qu'est le sien, qu'il revendique dans une littérature qui doit être la plus pure possible, ne serait pas, c'est ce qu'on se dit en lisant sa correspondance, aussi une sorte de protection, parce que derrière cette armature littéraire, il y a un cœur qui dégouline, vous l'avez dit, pour ses amis, pour ses amours, il est extrêmement sentimental, quoi qu'il s'en défende. Et puis il y a aussi un désir fou qui dégouline en lui. C'est un homme orgasmique, et c'est peut-être pour ça qu'il a des propos parfois misogynes, il dit que la femme de l'Orient est beaucoup plus intéressante, mais il la traite aussi comme un objet. Il dit, je l'aime même avec des punaises autour d'elle, mais en même temps, il y a une poésie et une délicatesse lorsqu'il décrit Tuchukanem ou ses compagnes, qui est de l'ordre de la tendresse et de l'amour pur. Et je crois qu'il y a, et la façon, c'est pour ça que j'ai choisi certaines de ces lettres, c'est pas pour faire le grossier personnage et pour que le CSA vienne vous titiller, c'est parce que je trouve que si on regarde bien derrière tout ça, il y a quelque chose qu'on retrouve chez tous les grands faux misogynes, Jacques Brel et Gérard Depardieu et tous ces gens-là, il y a un cœur colossal qui est derrière ça, qui bat, qui est magnifique. Et parce que moi, je ne supporte pas la misogynie. Et Flaubert ne supporte pas le patriarcat du tout. Il y a une chose qu'il supporte, qu'il n'aimera jamais, on le sait, bon, c'est l'ennui et la bourgeoisie. Et pourquoi la bourgeoisie? Parce qu'elle n'est pas extrémiste dans la sensualité. Elle n'est plus sensuelle, la bourgeoisie. Elle est désensualisée. C'est ça qui est intéressant chez Flaubert. Et je crois que ce qu'on peut dire aussi, c'est que, si vous voulez, pour moi, il y a une différence entre la peau et la viande. Je crois que la correspondance, c'est la viande. C'est cette espèce de chose un peu sanguignolante, qui rougit le papier, qui est filandreuse, qui est un peu comme ça mélangée, et qui vous échappe des mains, et qui bat presque encore. Et puis, il y a la peau qui lisse tout. La peau qui est une espèce de revêtement de la viande, de revêtement absolument clair et parfait du cœur, quoi. Et je crois que là, c'est le cœur simple, par exemple. Finalement, la peau, c'est le cœur simple. Enfin, c'est pas... J'ai envie de dire des choses comme ça. Enfin, c'est tout ce qui... Moi, je suis très impressionniste, mais c'est ça que j'ai envie de dire, voilà. Ça fait combien de temps que les lettres de Flaubert vous accompagnent, Jacques Weber? Ah bah, depuis que Arnaud Bédoué m'a mis ça dans le crâne, ça ne m'a pas quitté. Je retrouve mon grand bordel et je retrouve une envie bizarrement, disons, de sacré, que je hais comme lui les religions. je trouve qu'elle codifie quelque chose d'incodifiable, et elle nous amène vers la croyance, qui est le contraire de la connaissance, qui obstrue la connaissance, la croyance. C'est d'ailleurs un des grands mots. Votre ami Biasi disait. Pierre-Marc hier, de Biasi, mon invité de lundi dernier, oui. Ami, non, mais il parlait du discours politique, et à un moment, il parlait des djihadistes. Vous dites, mais vous allez quand même pas dire qu'il a prévu les djihadistes, mais j'ai retrouvé la phrase il dit, n'est-ce pas désolant de voir la France affolée d'un esprit si foncièrement médiocre? Allons-nous descendre longtemps dans cette latrine? L'égoïsme engendrera l'imbécilité. Leur principe d'autorité qu'il faut rétablir m'inquiète. Ils veulent redresser l'ordre, la religion, la famille, la propriété. Et alors là, il dit cette chose absolument folle. Attendez. Et l'on patrouillera la peur du social va nous jeter dans un régime conservateur d'une bêtise renforcée. L'égoïsme engendrera l'imbécilité. Leur principe, attendez, excusez-moi, je me suis paumé. Voilà. Et là, il dit cette chose. Si la société qu'ils nous construisent continue comme elle va, nous reverrons, je crois, des mystiques comme il y en a eu à toutes les époques sombres. Ce que disait Pierre-Marc de Biasi, c'est que Flaubert, sous bien des aspects, avait une dimension prophétique, qu'il avait prédit beaucoup de choses qui allaient se passer. Ça lui appartient, donc visiblement, vous êtes d'accord avec ça. On va, ce matin, vous êtes venu pour nous parler de votre amour pour Flaubert et pour lire quelques textes de sa correspondance que vous avez choisi, Jacques Weber. Certains textes vont sans doute bousculer l'auditeur qui s'imagine que Flaubert est quelqu'un qui sait se retenir. Au contraire, on va l'entendre. Le premier texte que vous avez choisi, lui, je pense, ne choquera personne. En revanche, c'est un texte qui est très peu connu. C'est une lettre à Ernest Chevalier. Est-ce que vous voulez nous dire qui est Ernest Chevalier? Ça ne choquera personne. c'était un de ces très très... Ça faisait partie de la garde rapprochée de Flaubert, et qui, lui, n'a pas la moindre ambiguïté comme Maxime Ducamp. Il y a deux mecs qu'il adore, c'est Ernest Chevalier et puis c'est Bouillet. Louis Bouillet. Et il y a cette phrase merveilleuse, il veut à tout prix faire une statue pour Louis Bouillet, qui n'était pas un personnage exceptionnel. merveilleux, sérieux, c'était son grand ami. Et il a dit, à sa mort, il voulait lui faire une statue, et il commence en disant, vous, messieurs les conservateurs, qui savez si mal conserver. Je trouve ça incroyable, ce Bouillet. Et alors oui, alors cette lettre, ce que je trouve formidable, c'est que... Alors, oui, je voulais vous parler de ça, c'est comment dire une lettre, parce qu'on pourrait dire que c'est une chose un peu interne, mais dans le cas de Flaubert, il me semble quand même qu'il y a une... Je crois que tout simplement, on est absolument dans une énoncée... On dit toujours que l'écrit est le propre de l'oral, mais là c'est entre l'oral et l'écrit. Il y a quelque chose de sale encore, et malgré tout, il ne peut pas s'empêcher de trouver la formule. Il y a presque quelque chose de cabotin dans ces révoltes. Le cabotin, c'est parfois très chiant, mais c'est parfois aussi un homme généreux qui a certes envie d'exister, qui a un moi, bien que le moi soit des milliards de mois, il a un moi surdimensionné. Flaubert, bien qu'il dit toujours et bien qu'il se complaît mais il se complaît comme nous tous, comme nos acteurs quand on critique ou comme on se complaît, on se dit c'est nul, je suis à chier, etc. En même temps, on se dit je suis quand même pas mal. alors, je voulais dire, comme il peut réveiller son pote qui est vraiment le moral dans les chaussettes. Mais alors, qui est Ernest Chevalier? Eh ben, c'est ce que j'ai voulu. Je ne peux pas vous en dire plus. Ah d'accord. Bah alors, allez-y. Mais je sais, c'est que c'est un de ses grands camarades, quoi. Ouais. Alors après, on est là. Comment, vieux bâtin, dans quel état un homme comme toi est-il réduit? Mais calmez-vous, brave homme, calmez-vous. Au lieu de t'en faire du droit, faites un peu de philosophie. Lisez Rabelais, Montaigne, Horace ou quelque autre gaillard qui ait vu la vie sous un jour plus tranquille, et apprenez une bonne fois pour toutes qu'il ne faut pas demander des oranges aux pommiers, du soleil à la France, de l'amour à la femme, du bonheur à la vie. Je t'écris tout de suite et je voudrais bien te faire passer un quart d'heure de gaudisserie et t'épanouir la face par une lettre un peu salée et furibonde. Tu m'as l'air d'un homme tout à fait bas. Songe à la soupe, au bouilli, au pâté de foie gras, au chambertin. Comment se plaindre de la vie quand il existe encore un bordel où se consoler de l'amour et une bouteille de vin pour perdre la raison? Remonte-toi le moral, mon Dieu. Suis un régime sévère. Fais des farces la nuit. Caresse, casse les réverbères, dispute-toi avec les cochers de fiacre, langote les décrotteurs, socratise le chien, foire dans les bottes, pisse par la fenêtre, crie, merde, chie, claire, pète dur, fume raide, va dans les cafés, fout le camp sans payer, donne des renfoncements dans les chapeaux, retourne des gens, dissipe la mélancolie et remercie la Providence. Car le siècle où tu es né est un siècle heureux. Les chemins de fer sillonnent la campagne. Il y a des nuages de bitume et des pluies de charbon de terre, des trottoirs d'asphalte et des pavages en bois, des pénitenciers pour les jeunes détenus et des caisses d'épargne pour les domestiques économes qui viennent y déposer incontinent tout ce qu'ils ont volé à leur maître. Monsieur Hébert fait des réquisitoires et les évêques des mandements. Les putains vont à la messe, les filles entretenues parlent au moins de morale et le gouvernement défend la religion. Ce malheureux Théophile Gautier est accusé d'immoralité par Monsieur Faure. On met en prison des écrivains et on paye les pamphlétaires. C'était donc la lettre du 15 mars 1842 que Flaubert écrit à son ami Ernest Chevalier. C'est revigorant, c'est une douche pour éléphant. Ah oui, mais alors, est-ce que ça a marché parce que son ami Ernest deviendra magistrat, hein, il va se marier, s'embourgeoiser, comme dit Flaubert. Oui, oui, oui. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on dit toujours à propos de Flaubert, l'ermite de Croisset, l'homme solitaire, etc. Mais il a justement cet homme qui va aller vers le droit. Il est obligé de combiner sans arrêt avec des banques pour sauver la Syrie du mari de Caroline, sa nièce. Il connaît des gens d'univers qu'il conspue et qu'il déteste. Bouillet, je crois, si mes souvenirs sont bons, est instituteur, mais il adore faire du théâtre. Il l'aide à faire des pièces, mais la première pièce qu'ils essaient de faire est un petit peu érotique au cochon. Enfin voilà, il est toujours embarqué dans des trucs et des machins pas possibles. Et puis ce qui est très très drôle, c'est que en dehors donc de cette fameuse ermite, il y a quand même chez lui un goût de l'organisation mondaine de Paris. Il va à ces fameux déjeuners où il y a Gautier, où il y a Zola, où il y a Goncourt, où on se fout sur la gueule, où on est germano-pratin en diable. En fait, c'est le flore de Saint-Germain-des-Prés des années 60. Enfin, c'est la même chose. On s'en met plein la tête et il participe à ce jeu-là, Flaubert. De même qu'il a cette amitié extrêmement ambiguë, mais ça, vous en avez parlé très bien hier. Enfin, ambiguë, dans le goût. Dans le paradoxe entre Georges Sand et lui, qui est tout à fait troublant. Donc voilà. Donc c'est un personnage qui nous correspond dans sa... C'est ça qui est très beau. C'est ce que disait Biazi m'a beaucoup plu, c'est que l'art devient Dieu chez lui, ça c'est sûr. Quoique, encore faut-il, est-ce qu'on peut formuler la transcendance par le mot Dieu? Enfin, je sais pas, je me pose des questions. Il croit en une transcendance, vous pensez? Ou c'est l'art pour lui qui joue ce rôle-là? Moi, ce que je rôde au tour, je suis totalement démuni par rapport à qu'est-ce que peut être quand on me dit que je suis un artiste. Je n'y crois pas une seconde. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ce que je sais, c'est que ce sont des gens qui par le poétique et par le transcendent le réel et donc nous en donnent la réalité profonde, la substantifique moelle, comme disait je ne sais plus qui. Et on a besoin de ça. D'ailleurs, on a inventé le bon Dieu et tout ça parce qu'on ne pouvait pas vivre autrement. Il faut qu'on soit en connexion avec l'univers. Je pense que je mélange tout, ne m'en voulez pas, mais son amour pour Shakespeare n'est pas un hasard du tout, puisque Shakespeare est l'auteur même cosmologique par excellence. Mmh. Enfin, on est toujours... en connexion avec l'univers. Et je crois que dans Flaubert, il y a quand il dit « je suis le frère en Dieu de tout ce qui vit, de la girafe au crocodile », alors certes, c'était des courants de pensée qui existaient à l'époque, mais « frère en Dieu de tout ce qui vit », je trouve que c'est une des grandes choses qui va vers quelque chose de l'ordre de ce qu'on a à un moment... les dieux qui étaient partout dans l'époque romaine ou égyptienne, et puis le dieu qui est partout, dieu qui est dans chaque objet. C'est ce qu'on a appelé le panthéisme de Flaubert. Le panthéisme, ouais. Voilà, exactement. Bon, moi, je connais pas bien tous ces mots-là, c'est pas ma culture, mais en tout cas, j'ai cette sensation étrange que cette façon de... dans la correspondance, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on retrouve ces... cette permanence, cette transcendance du respect de la, des choses et de la nature. Mmh. Si j'ai choisi les descriptions des bordels d'Orient... On y arrive. Voilà, c'est, pardon, je parle trop, c'est pas du tout... Non, au contraire. C'est pas du tout pour le pittoresque. C'est qu'il s'arrête devant ça, il regarde, il ne prend pas parti. Il dit simplement qu'il y a une réalité qui est tout autre que la réalité bourgeoise qu'il connaît dans son pays. Il parle d'une réalité, d'une vérité qu'il ressent organiquement, et il décrit ce monde. Il n'y a pas de férocité sur ce monde, il y a une férocité sur les ambassadeurs et les colons. Ça, oui, ça je peux vous dire qu'à chaque fois, il ne se gêne pas pour les fusiller. Mais non, par rapport à ces gens, au contraire, il est totalement éberlué de la poésie orientaliste qui se dégage, et ça c'est tout à fait beau. D'ailleurs il va ramener des grandes des grands, comment on appelle ça, des sortes de peignes noires arabes et puis des babouches et tout. Il se baigne avec c'est le grand fou alors avant de le suivre en Orient et de rentrer dans le bordel, on va faire un tout petit détour. Voici ce que Paul Léoto dit du style de Flaubert. Le travail, le souci de la perfection abîme tout. La spontanéité, l'abandon, la négligence. Les faiseurs de beaux styles, les précieux, les maniérés, les gens qui avalent leur canne pour écrire me font pitié. Un Flaubert, véritable ébéniste littéraire, qui a stické partout pour que ça brille. Le résultat, la médiocrité et l'ennui. Vous connaissez, j'imagine. Très honnêtement, c'est pas bien du tout ce qu'il dit. Ah bah non, mais ça, c'est crétin, quoi. D'abord, moi, l'ébéniste, oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Le burin de tel ou tel artiste sur du bois, sur du marbre, voire Michel-Ange, c'est splendide. Ébéniste, c'est merveilleux. Il y a des œuvres d'art qui. Enfin, au fond, ce qu'il lui reproche, plus, le travail, mais c'est le formalisme. C'est ça, ce que dit Léoto. C'est qu'en fait, le style est tellement travaillé qu'il n'y a plus rien. C'est un reproche qu'on fait souvent à Flaubert. C'est le contraire. C'est non pas un reproche, parce que c'est ça qui est merveilleux. Chez Julien Gracq, qui était lui un auteur précieux, admire Flaubert, en même temps dit cette volonté d'arriver vers le rien mène à la fin du roman. C'est un petit peu peut-être contestable comme analyse, mais c'est brillant parce qu'il dit. Ça annonce la fin du roman. C'est-à-dire que le roman moderne, le créateur du roman moderne, annonce la fin du roman. C'est tout à fait passionnant, cette histoire. Mais en même temps, il admire ça. Alors, il y a quelque chose. Le fameux rien de Flaubert, moi, je trouve que c'est justement le... Je voudrais faire un livre sur rien. Écrit-il à Louis Scolaire, rien qui soutient, qui se soutient dans, comme la terre qui se tient en l'air d'elle-même, etc. Moi, justement, je pense que c'est comme l'entonnoir. Je crois que nous, je vais vous raconter un truc. Nous, acteurs, quand on travaille, on va dans tous les sens. C'est Flaubert qui dit qu'il n'y a rien de plus con de conclure. Et je n'aime pas... La bêtise consiste à conclure. Ah oui, mais le jeu bête consiste à dire le personnage c'est ça et pas autre chose et puis en bouger. Ce qui est merveilleux, c'est que plus on cherche, plus ça souffle chez les génies et les grands auteurs. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que plus ça souffle, plus on a la nécessité quasi, oui, mystique, absolue, du pur, du monastère, du mec dans l'Himalaya, de Tintin au Tibet avec les bouddhistes qui se lèvent et qui disent « j'ai vu le gros yéti ». Non mais c'est ça. Et je pense que il y a ça chez Flaubert de façon éminente. Et alors ce qui est merveilleux, il dit des conneries, Léoto, lui qui a pourtant de l'humour, parce que dans Madame Bovary, ce coup de génie extraordinaire, par exemple de mélanger, mais comme avec le génie d'un Feydeau dans La Biche, le discours du comice agricole et le discours de Rodolphe avec Emma, c'est quand même profondément génial. Allons-y, les porcs à 20 copecs, ma chérie, je t'aimerai pour la vie. Je sais pas comment on lit ou on interprète ça d'ailleurs, parce qu'il y a toutes les voix qui se mêlent. C'est génial, c'est polyphonique et c'est absolument génial. Et il a mis 6 mois pour le faire, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ouais. C'est d'une perfection absolue. Et puis il y a des choses quand même très troublantes. Emma, c'est à l'imparfait. Bah oui, c'est je t'aime à l'imparfait. Non, je veux pas faire Lacan et machin, surtout que je l'ai jamais lu de ma vie. Au passé simple, surtout. Mais oui, il aimait. Voilà, il aimait. Passé simple. Et en plus, non mais c'est quelque chose de qui est très troublant. Enfin, ou alors il y a des choses comme ça. La phrase est très belle, les gouttes de sueur sur son corsage, des choses toutes simples. Puis d'un seul coup, elle l'avait aimé. Elle l'aimait. Elle l'avait aimé après tout. Et le après tout est cinglant, c'est une perte de claques. Donc, il y a, et tout ça, ça vient du travail. C'est donc, il y a des gens qui passent à côté de Flaubert, au fond, c'est ça, on peut juste le dire comme ça. Oui, mais comme tous les très grands auteurs, il y a des gens qui ont, alors à nos époques, à leur époque, qui se sont fait. Bon, vous le savez, il n'a pas été très célèbre. Enfin, il a été connu, mais il a eu le succès énorme qu'il a maintenant. Je crois que la reconnaissance qu'il a maintenant vient aussi du fait qu'on connaît beaucoup mieux sa correspondance. Et cette espèce de pôles totalement différents, je pense que constitue non pas une légende, mais une vraie fascination. Quoi. Alors allons-y justement à ce que vous avez proposé de lire des textes ce matin qui sont moins connus, et donc il y en a deux qui viennent de son voyage en Orient. Il raconte à son ami Louis Bouillet ses aventures sexuelles. C'est des textes assez crus, assez durs. Est-ce que vous voulez lire le premier? On pourrait dire que c'est une sorte de tourisme sexuel, hein, c'est ça, non? Oui et non. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'ils avaient fait subventionner ce voyage qui dure à peu près 3 ans à peu près. Il écrit comme un fou à Louis Collet pendant ce temps-là. Mais d'ailleurs, ça aussi, c'est intéressant. Cet amour épistolaire, ça passe par le... Alors même qu'avant, ils sont beaux comme des dieux tous les deux. Or, Flaubert parle très rarement de sa beauté énorme que tout le monde voit. Il ne parle que de sa décrépitude et de ses chancres. C'est absolument fou, quand même. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi je dis ça? Oui. Parce que, tourisme sexuel, oui, mais enfin, d'abord, ils sont les rares hommes. Nous, on ne pourrait plus faire ce voyage absolument extraordinaire. Ça serait plus possible. Et donc, ils traversent tout le Moyen-Orient. Et il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai qu'il y a des étapes un peu, disons, chaudes et dévergondées. Mais. Voici un exemple. Ben voilà. Demain, nous devons faire une partie sur l'eau. Avec plusieurs putains qui danseront au son du tarabouche, avec des crotales et leur coiffure de piastres d'or. J'essaierai que ma prochaine lettre soit moins décousue, j'ai été dérangé 20 fois dans celle-ci, et de t'expédier quelque chose qui en vaille la peine. Avant-hier, nous fûmes chez une femme qui nous en fit baiser 2 autres. L'appartement délabré et percé à tous les vents était éclairé par une veilleuse, on voyait un palmier par la fenêtre, sans carreaux, et les 2 femmes turques avaient des vêtements de soie broché d'or. C'est ici qu'on s'entente en contraste. Des choses splendides reluisent dans la poussière. J'ai baisé sur une natte d'où s'est déplacée une nichée de chats. Étrange coït que ceux où l'on se regarde sans pouvoir parler. Le regard est doublé par la curiosité et l'ébahissement. J'ai peu joui, d'ailleurs, ayant la tête par trop excitée. Ces cons rasés font un drôle d'effet. Elles avaient du reste des chairs dures comme du bronze, et la mienne possédait un admirable fessier. Adieu, pauvre vieux bougre, pense à nous, écris-moi quelquefois à ma mère, cela lui fera beaucoup plaisir, et préviens-la dès que tu auras reçu de mes nouvelles. Nous t'embrassons, pioche raide, nous en aurons à dégoiser au retour. Adieu, mille tendresses. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Il glisse sa mère et adieu mille tendresses. Oui, mais c'est ce que vient faire sa mère dans tout ça. Ben oui, c'est ça qui est magnifique, c'est complètement dingue. Post-scriptum, pour toi seul, c'est génial ça. Le bouffon de Mehmet Ali, pour réjouir la foule, saisit un jour une femme dans un bazar du Caire, la posa sur le bord de la boutique d'un marchand, et là, la coïta publiquement pendant que le marchand continuait à fumer tranquillement sa pipe. Sur la route du Caire à Choubra, il y a quelque temps, un jeune drôle qui se faisait enculer publiquement par un singe de la forte espèce, toujours pour donner bonne opinion de soi et faire rire. Dernièrement, il est mort un marabout. C'était un idiot qui, passait pour saint, pour frapper de Dieu. Toutes les femmes musulmanes allaient le voir et le polluaient, si bien qu'il en est crevé d'épuisement. Du matin au soir, c'était une branlade perpétuelle. Ah, Bouillet, que n'étais-tu ce marabout? Quidditchi du fait suivant. Il y a quelque temps, un santon prêtre ascétique, se promenant dans les rues du Caire complètement nu, n'ayant qu'une calotte sur la tête et une calotte sur le vis, pour pisser, il défaisait sa calotte de vie, et les femmes stériles, désireuses d'enfants, allaient se mettre sous la parabole d'urine et se frottaient de ce liquide. Adieu, vieux bougre. Ah, j'ai reçu ce matin une lettre de ma mère. Elle est bien triste, la pauvre femme. Parle-lui de moi, etc. Je laisse tout à ton intelligence et à ta connaissance du cœur humain. À toi. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rey. Et oui, c'est ça aussi Flaubert. Dans sa correspondance, hein, quand on lit les versions non purgées, on trouve ce type de lettres. Alors, je décris pas le type de visage que je vois derrière la vitre, Jacques Weber, en vous écoutant, même s'il y a des masques, on voit avec les visages qui se décomposent. On s'attend pas à attendre des choses aussi crues, aussi dures à entendre. Mais que au bout d'un moment, il met à égalité un âne, un homme, une femme, un chameau. Il parle même, je ne sais plus, dans un autre texte, c'est complètement fou. Il y a quelque chose de... Et il décrit très exactement. Il y avait des chats, je l'ai enculé, je l'ai coïté, on était là, sur des, il y avait des brocards. Il n'oublie rien. Ouais. Tout participe à ce moment, oui, bestial, organique, sensuel. C'est très beau, ça. Je trouve que c'est tout à fait... respectueux du moment partagé. C'est que ça tout que... soit mis sur le même plan. Ben, je trouve que c'est très intéressant. Ben, non, c'est très intéressant. Après, respectueux, je ne sais pas, parce que du coup, il met la femme qu'il est en train de prendre sur le même plan que le singe à côté. Moi, je trouve que c'est une forme du respect absolu de ce qui est. Non pas, il n'y a pas d'a priori chez Flaubert. Quand il écrit, dans cette espèce de dévergondage, en fait, quand il écrit, il est comme quand on va chez une pute, enfin, quand certains vont chez des putes, il évacue, ouais. Il vide toutes les pulsions les plus invraisemblables, et comme chez le psychanalyste, ou chez la pute parfois, il est capable de mettre côte à côte une envie de verticalité spongieuse et le fait que sa maman le trouble tous les jours à chaque seconde. C'est quand même de la vérité pure. Et c'est dommage d'attaquer ça autrement par des biais, c'est que c'est crabe, c'est miso, c'est dégueulasse, la femme objet. C'est un pot commun et le courage de l'affronter. Ce pot commun de nous tous, enfin. Mais chez lui, c'est à l'extrême. Donc, c'est pour les oreilles, c'est terrible, quoi. Mais quand il dit à un gars pour se réveiller, ça nous est tous arrivé. On ne l'a pas écrit, mais ça nous est tous arrivé. Dire à notre copain, mais vas-y, bois un coup, baise, va draguer. Ben lui, il dit, pète clair. Et ben c'est très beau. C'est quand même plus beau que va tirer un coup. Voilà, c'est tout. Il y a un smoking pour aller voir les gens, comme on dit. C'est aussi ça, le style. C'est une forme de... Oui, d'élégance, oui, tout à fait. Mais là, on est vraiment à mille lieues du Flaubert, de Madame Bovary, de l'éducation sentimentale, même de Salammbô, qui se passe exactement au Proche-Orient. Dans Salammbô, on est aussi dans la... Quand il décrit avec ce génie incroyable les repas de... On est au cœur même de la jouissance. Je ne parle même plus là du désir ou du sexe, je parle du mot de la jouissance, de l'existence, de la vie, ce rapport à la bouffe. C'est comme Roxane dans Cyrano, elle arrive avec une tonne de bouffe, c'est pas un hasard. Et elle aime un mec, elle ne l'a pas sauté, rien, dès le premier jour, elle était folle amoureuse, je parle de Christian. Et elle arrive avec quoi? Des saucissons, nanana, nanana. Alors ça n'a rien à voir avec le génie de Flaubert, mais enfin, c'est quand même très significatif. Je sais pas pourquoi je parle de tout ça, je m'égare comme lui, voilà, je suis devant vous, comme si, avec moins de style, pardonnez-moi, comme Flaubert quand il écrit, quoi. Moi, c'est ça qui me trouble, c'est cette nudité sale, comme ça, absolue, qu'il y a dans sa correspondance. Ça, je trouve ça formidable, surtout quand après on lit le jus, le dernier jus, la dernière goutte, l'élixir. C'est magnifique. L'élixir de quoi ? Du sang de la terre. Entre le sang de la terre et le grand grand Bordeaux, c'est la correspondance et le roman de Flaubert, je crois. C'est du tertre Rodebeuf ou du Pétrus, c'est Madame Bovary. Mais le sang de la terre, c'est beau, le sang de la terre, c'est une expression magnifique. La vigne qui est gorgée, qui gonfle, qui est dorée, qui est mauve, qui prend le soleil, qui gèle, qui souffre et qu'on arrache comme ça, c'est magnifique. C'est ça, Flaubert. Cette cloche a appartenu à Flaubert. Oui, exactement, monsieur. Cette cloche était à la maison d'habitation de la famille de Flaubert. Cette allée de tilleul qui est juste à côté du pavillon de Croisset, je crois qu'elle porte un nom et que Flaubert l'a utilisée. C'est ça, ce que nous appelons exactement son gueuloir. Son gueuloir. C'est-à-dire que c'est un endroit, n'est-ce pas, où Gustave Flaubert aimait beaucoup se promener tout en récitant ses vers, n'est-ce pas, pour voir si ceci résonnait très bien et... par la suite, écrire. le gueuloir de Flaubert, alors certains diront que ce n'est pas justement un lieu, que c'est passer un texte gueuloir, ça veut dire le dire à voix haute pour voir si les verbes, quand c'est de la prose, sonnent bien. Vous avez entendu ici hein, donc une visite du pavillon Flaubert à Croissy, c'était Claude Chevreuil, hein, la journaliste qui présente le gueuloir. Est-ce que c'est peut-être aussi pour ça que ces textes vous parlent, Jacques Weber? Quand on est comédien, on est habitué à mettre les textes en mots. On les lit, on les vit intérieurement, mais on doit trouver le ton, le style, la tessiture pour prononcer les mots. C'est ce que faisait Flaubert avec ses propres textes. Oui, alors ça, c'est très, très troublant de la part du pur auteur. Parce que on pourrait dire qu'en fait, c'est ininterprétable, les grands auteurs. Et moi, je suis toujours très troublé quand je me mets à jouer du Hugo, ou quand je lis du Flaubert, ou quand même je le joue. Je me dis, mais... Alors, la correspondance, ça ne me gêne pas. Justement, parce que dans la correspondance, on est dans un rapport organique et beaucoup plus de l'ordre du théâtre. Il y a déjà du sang et de la chair qui circulent en toute liberté que dans le roman. Mais comment dire, Madame Bovary, je ne sais pas. Alors certains vous parlent avec préciosité de la façon de s'absenter, de ne plus être rien devant le texte, etc. Bon, il y a des grandes théories là-dessus, mais je méfie du théorique. Mais c'est très très très très difficile. Il y a quelque chose de bressonien dans Madame Bovary. Vous voyez, c'est-à-dire cette chose qu'il demandait. Il détestait les acteurs. Il les avait lourdés dès le premier Les Dames du Bois de Boulogne, et après il avait demandé le recto tono, quoi, de rien du texte. De lycée. Et ça, c'est très, très, très, très intéressant par rapport à certains auteurs. Comment dire du Annie Ernaux? Comment dire tout ça? C'est compliqué, quoi. Et moi, je suis. Alors maintenant, il y a une grande truc qui m'horripile, c'est de tous ces mondains, là, de la littérature et autres, qui disent faut aller à l'os. Je déteste cette phrase. Ça veut dire quoi, aller à l'os? Aller à l'os, ça veut dire qu'il n'y ait plus rien, que ça soit nu, que ça soit parfait. Enfin, il y a aussi des auteurs qui sont gras. Moi, j'aime le gras dans la viande. Non, mais faut pas déconner, faut pas tout mélanger, quoi. Moi, j'adore tout autant le style méditerranéen de Camus, honteux, doux, qui roule comme ça, que la pureté très acide d'Annie Ernaux, par exemple, ou la pose calme et racinienne, mais un peu prétentieuse de Duras. Mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire comment elle écrit. Enfin, moi, j'adore. Enfin, bon, pourquoi je dis ça, je sais plus. Mais en tout cas, cette histoire de gueuloir, moi, je suis pas contre. Moi, personnellement, qui n'ai rien à voir avec un auteur comme Flaubert, mais c'est vrai que lorsque j'écris, j'aime entendre la phrase. Et la phrase a une musicalité. Flaubert travaillait non seulement la simplicité du choix des mots, l'exactitude du mot. Et je dis que c'est du respect, l'exactitude du mot. L'exactitude de la description, et non pas s'embarquer dans le pot de chambre dont il parle si bien du romantisme. Voilà. Et c'est pour ça que quand il décrit les bordels, vous avez vu cette exactitude? C'est presque méticuleux, c'est presque, même dans ses correspondances. Oui. C'est ça que je trouve incroyable. Mais je trouve que oui, il n'est pas interdit de chercher d'exprimer l'inexprimable, comme disait Schumann à propos de la musique, quoi, et trouver la mélodie d'un texte, c'est très important. Il jouait sur les féminines, sur le rapport entre les féminines et les masculines, il jouait sur la ponctuation, sur la claque. D'un seul coup, la façon dont il châtiait en deux mots une phrase qui avait l'air comme ça très très sympathique, c'est absolument bouleversant, quoi. Et comment vous en parlez-vous justement de ce vers? Vous avez un rapport très très organique à l'écriture, au fait de dire à voix haute ces phrases-là. Vous nous avez parlé là des différents styles, de différents auteurs. Comment vous comparez par exemple le verbe de Flaubert, que vous pouvez dire à voix haute, au vers de Cyrano? Vous avez joué également. Il y a un point commun entre les deux? Il y a dans, vraiment de très loin, c'est un peu, ça m'est venu comme ça, l'histoire de Cyrano, mais je pense que, en tout cas, pour ce qui concerne la correspondance, il y a une gourmandise et il y a parfois du mauvais goût qui s'échappe. Il y a des excès qui s'échappent qui ne sont pas sans rappeler les fautes de goût et la gourmandise parfois un peu lourde dans l'estomac de Rostand. Bon, mais ça n'a rien à voir. Je pense que même quand c'est ça qui est fou dans la correspondance aussi, c'est que même quand il est excessif, il reste un homme de la pensée. Ce qui l'excite, quand il dit « je suis le frère Antoine, ma patrie, c'est la terre, c'est l'univers, ce sont les étoiles », et il termine, et c'est là où il ne faut surtout pas arrêter la citation, c'est la pensée elle-même. Et je crois que oui, son territoire, c'est la pensée elle-même. Et la pensée, c'est à l'angle exactement de l'homme et du vieux singe, du bipède sans plume que nous sommes, c'est du structuré et du sauvage, quoi. Et on, justement, correspondance et roman, c'est ça, c'est le structuré et sauvage. Dénué de toute forme de morale, c'est pour ça que ça va être à entendre aujourd'hui. Ah, merci. Ben, j'ai bien compris. Merci, vous m'avez pris. C'est ça, voilà, ben, je vous remercie beaucoup. Je tournais autour, je supporte pas la morale ou les moralistes ou les donneurs de leçons, c'est... Pour moi, c'est l'horreur absolue, quoi, parce que je sais qu'ils sont tout aussi mécréants et parfois peut-être sympathiques que moi. Quoi. C'est, voilà. La correspondance de Flaubert, c'est aussi une grande correspondance avec ses contemporains écrivains. Vous avez proposé, Jacques Weber, de lire ce matin une lettre à Tourguenieff, qui date du 2 juillet 1874. Alors, Flaubert rencontre Tourguenieff, c'était le premier écrivain russe vraiment connu en France, en 1963. Oui. Ils vont s'écrire pendant 17 ans, hein, jusqu'à la mort de Flaubert. Et dans la lettre que vous allez lire, Flaubert raconte son séjour en Suisse que lui a conseillé son médecin pour se décongestionner. Je vous propose qu'on entende cette lettre lue par vous, puis on en parlera ensuite. Je possède cette supériorité ou infériorité sur vous que je m'embête d'une façon gigantesque. Je suis venu ici pour faire acte d'obéissance, parce qu'on m'a dit que l'air pur des montagnes me dérougirait et me calmerait les nerfs, ainsi soit-il. Mais jusqu'à présent, je ne ressens qu'un immense ennui dû à la solitude et à l'oisiveté. Et puis, je ne suis pas l'homme de la nature. Ces merveilles m'émeuvent moins que celles de l'art. Elles m'écrasent sans me fournir aucune grande pensée. Les Alpes, du reste, sont en disproportion avec notre individu. C'est trop grand pour nous être utile. Voilà la troisième fois qu'elles me causent un désagréable effet. J'espère que c'est la dernière. Et puis, mes compagnons, mon cher vieux, les messieurs étrangers qui habitent l'hôtel, tous allemands ou anglais, munis de bâtons et de lorgnettes, hier j'ai tenté d'embrasser trois veaux que j'ai rencontrés dans un herbage par humanité et besoin d'expansion. Ça, le choix du mot expansion, c'est extraordinaire. C'est mal à propos. Et c'est ça qui est génial. C'est ça que les autos devraient piger, nom de Dieu. J'ai enfin trouvé l'endroit où je gîterai mes deux bons hommes. Ils parlent de Bouvard et Pécuchet. Il me tarde de me mettre à ce bouquin-là qui me fait d'avance une peur atroce. Vous me parlez de Saint-Antoine et vous me dites que le gros public n'est pas pour lui. Mais je le savais d'avance. Mais je croyais être plus largement compris du public d'élite. Tant pis. À la grâce de Dieu, ce qui est fait, et puis du moment que vous aimez cette œuvre-là, je suis payé. Le grand succès m'a quitté depuis Salambeau. Ce qui me reste sur le cœur, c'est l'échec de l'éducation sentimentale. Qu'on n'ait pas compris ce livre-là, voilà ce qui m'étonne. Le temps est dur pour les muses. Paris m'a d'ailleurs semblé plus bête et plus plat que jamais, si détaché que nous soyons l'un et l'autre de la politique. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'en gémir, ne serait-ce que par dégoût physique. Ah, mon cher, mon vieux Tourguenieff, que je voudrais être à l'automne pour avoir chez moi à Croisset, pour vous avoir chez moi à Croisset pendant une bonne quinzaine. Vous apporterez votre besogne et je vous montrerai les premières pages de Bouvard et Pécuchet, qui, espérons-le, seront faites. Et puis je vous ouirai. Il fait atrocement chaud ici. Les montagnes couvertes de neige au sommet sont éblouissantes. Phébus darde toutes ses flèches. Messieurs les voyageurs confinés dans leurs chambres suent et boivent. Ce qu'on boit et ce qu'on mange en Helvétie est effrayant. Partout des buvettes, des restaurations. Les domestiques de Kalbad ont des tenues irréprochables, habits noirs dès 7 heures du matin, et comme ils sont fort nombreux, il vous semble qu'on est servi par un peuple de notaires ou par une foule d'invités à un enterrement. On pense au sien. C'est gai. Écrivez-moi souvent et longuement. Vos lettres seront pour moi la goutte d'eau dans le désert. C'est magnifique. Et alors oui, ce qui est vrai, c'est que quand on relit les correspondances avec Tourguenieff, mais il y a comme de l'amour entre Flaubert et lui, mais vraiment quelque chose de... Ça, c'est vrai pour toutes ces relations amicales très fortes. Ah oui, très fortes. Mais alors vraiment, Tourguenieff, d'abord, il y a une admiration entre deux auteurs, alors que les autres amitiés ne passent pas forcément par là. Alors si, il y a bien sûr cette relation très, très paternelle avec Maupassant, bien évidemment. Mais là, il y a quelque chose qui l'a totalement bouleversé avec l'œuvre de Tourguenieff, que raillait Tchekhov parce qu'il l'a trouvé un peu mignonne, enfin un peu pas très cruelle. C'est très bizarre ça. Mmh. Flaubert adore ça justement, cette tendresse, cette légèreté, cette douceur peut-être très triste, mais cette douceur. Et Tchekhov n'aime pas tellement ça. Il fait dire à Vania et tout ça, il dit oui, ça sent un peu le Tourguenieff, quoi. Mmh. C'est terrible. Mais alors pourquoi je dis ça? Oui. Et alors c'est fou parce qu'ils arrêtent pas de s'engueuler. Mais ils disent mais pourquoi vous venez pas? Vous me dites que vous venez, puis vous m'emmerdez parce que vous avez telle ou telle obligation. Mais quoi? C'est rien de faire un voyage. Faut voir quand même ce qu'étaient les voyages. Là aussi, l'aveuglement de Flaubert disant mais démerde-toi. Enfin c'est pas long quoi pour venir. Non, c'est très troublant. D'autant que lui ne bouge jamais, Flaubert, quand il passe son temps à annuler ses visites pour aller voir aussi Sand. Parce que c'est Tourguenieff qui lui fait découvrir Guerre et Paix. Et c'est merveilleux parce que la lettre où Flaubert dit nom de Dieu, ouf, ça c'est quand même pas mal. Ah oui, il dit que vraiment c'est formidable et il dit et c'est vrai. Il dit que le troisième taupe, là il se gourre, là c'est chiant, ça devient. Il veut faire de la philosophie, là il se gourre. Mais c'est comme ce qu'il dit de la sortie des Misérables. Il déteste les Misérables de Victor Hugo. Il adore Victor Hugo, enfin il l'adore, il l'admire, etc. Et il y a même toute une correspondance entre Flaubert et Victor Hugo, mais alors les Misérables ça passe pas du tout. Oui, je sais, c'est très très étonnant. Et je ne sais pas pourquoi. C'est parce que bon, c'est un chef-d'œuvre absolu. Alors, mais méfions-nous parce que il y a aussi cette lettre à Victor Hugo dont je me souviens où il dit. Alors, il commence en disant bon, en tout cas, il est très correct, il est poli, il a les dents très blanches. Alors, ça commence très fort. Hein. Oui, il a les dents très blanches, il est sympa, il est bien. Et puis il dit puis à un moment, je regarde ses mains. Et là, il s'arrête. Le style change complètement, s'enroule et il dit je ne peux pas m'empêcher de penser à tous les trésors qui sont nés de ces grandes mains-là. Et ça, c'est quand même c'est très frappant. Vous savez qu'il faisait la boîte aux lettres pour certaines lettres censurées. Quand Hugo était en exil, c'est Flaubert qui faisait la boîte aux lettres. Ah bon ? Il recevait le courrier d'Hugo et le repassait après. Ah oui, il y a un truc entre eux qui est tout à fait curieux, Mais moi, vous savez, ce que je trouve aussi très très vrai, très juste, c'est que nous tous, on n'arrête pas de se foutre sur la gueule, enfin, non, et avec parfois des, et moi j'ai des excès, mais dont je m'en veux énormément parce que moi c'est où je déteste ou j'aime, ce qui est complètement idiot. C'est pas nuancé. Or en plus, lui il parle de la nuance. Il dit que ce qui est essentiel c'est la nuance. Et c'est dans la correspondance, c'est pas forcément nuancé. Mais si on regarde de très près, le choix de certains mots dit à quel point la pensée, la sensibilité est mystérieuse et paradoxale. Mais je ne sais pas si l'excès est forcément contradictoire avec la nuance. On peut tout à fait être ne pas renoncer au sens de la nuance quand on tombe dans l'excès. Oui, mais au moment où... Oui, bien sûr. Heureusement pour et chez pour lui. Moi, alors, je vous tant mieux. Heureusement pour moi en tant qu'interprète, d'abord, parce que si j'étais pas nuancé, ce que pensent peut-être certains, ça serait gravissime. Non, oui, vous avez raison de me reprendre, mais ce que je pense, c'est quand on... Ce que je voulais dire tout bêtement, c'est que parfois, on s'emporte sur une œuvre à tel moment de son existence, et chez Flaubert, ça arrive souvent, peut-être qu'il faut... Il faut un peu s'assagir et s'apaiser, quoi. Il faut qu'il... C'est un peu... Oui, mais en même temps, c'est ta correspondance. Donc, c'est vraiment lieu où il n'est pas lu. Ce qu'on a oublié de dire, pardonnez-moi, ce qu'on a oublié de dire, c'est que... Et vous l'avez évoqué, mais un peu rapidement hier, je crois, c'est que Flaubert a brûlé beaucoup de son œuvre. Et il est écrit à un moment donné qu'il souhaitait... De son œuvre, de sa correspondance. Sa correspondance. Et il souhaitait que ça soit brûlé. Alors, Caroline, après sa nièce, a fait brûler pour les raisons qu'on sait, parce qu'elle voulait pas justement tombe sur des choses comme ça, mais il en avait déjà brûlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça veut dire quand même qu'il n'avait pas envie que ça soit lu par d'autres que ceux à qui c'était adressé. Peut-être aussi, je ne sais pas, parce qu'avec lui, on ne sait jamais. Parce qu'en même temps, il y a quelque chose chez lui de très... c'est moi, quand même. Attention, il fait des numéros éléphantesques chez le restaurant dont vous avez parlé hier, là où ils se réunissent tous. C'est Mani, le cercle Mani, voilà. Ouais. C'est, alors les Goncourt disent une fois de plus, il a été d'une grossièreté terrible. Puis Gauthier qui en remet une couche, enfin c'est complètement fou. Faut lire les mémoires des Goncourt, c'est tout à fait extraordinaire. Mais voilà, non, ce que je trouve moi qui me touche beaucoup, c'est qu'un jour j'ai entendu, je ne sais pas de la part de quel philosophe ou très rapidement que il y avait le surmoi romantique et les milliards de moi que l'on constatait désormais. Et je pense qu'on est là dans une détestation du surmoi et dans la conscience très exacte qu'il est parcellaire, qu'il est ornementé comme une marqueterie, qu'il est multiple, qu'il est donc universel, quoi. C'est ce qui revient à un moi énorme. c'est ça qui est intéressant. Et tous ces paradoxes-là, je crois qu'en tout cas, moi, je les ressens physiquement. Et vous voulez le lire, Flaubert, sur scène, je sais pas, proposer des lectures? Je l'ai déjà beaucoup fait par l'intermédiaire de ce très très beau montage qui était une pièce finalement qu'avait fait Arnaud Bédoué. Mmh. Je repense à certaines possibilités, entre autres comme le travail que j'ai fait avec Vania, pour la télévision. Enfin, je sais pas, j'ai réfléchi, mais c'est très vague encore. C'est parce que vous m'avez remis le nez dedans. Ah, voilà. Alors, vous apprêtez, on terminera là-dessus. Vous préparez, vous allez vous retourner vers Shakespeare, là, si j'ai bien compris. Oui, c'est sur Shakespeare. Il dit toujours Shakespeare. Et puis, fils s'arrête, il dit plus rien. Oui, il a plus rien à dire tellement. Là, c'est le meilleur. Ce qu'il dit, Musset, c'est pas une œuvre, ce sont des fragments. Rien que des fragments, des très beaux fragments, mais rien que des fragments. Mais Shakespeare. Et puis, il s'arrête. Trois petits points. C'est extraordinaire. Oui, je vais faire le roi Lear, et sous la houlette de Jo Lavaudan, et c'est le rendez-vous rêvé de tout acteur. Mais je voulais revenir pour finir, parce que je pense que c'est peut-être l'heure. Oui, tout à fait. On ne peut pas conclure, ouais. Sinon on céderait à la bêtise dénoncée par... Donc, sans conclure, dites-moi un dernier. Non, je ne conclue pas. C'est pour vous dire à quel point, quand même... Quand j'ai entendu Gérard, là, j'étais dans un état d'émotion incroyable. Ben, on pleurait tous les deux en studio, je vais le dire aux auditeurs. Et là, on se dit quand même que ce... Et lui, il a cette élégance du phrasé, cette mélodie. Il a le style et l'orgre flaubertien dans le cœur et dans les couilles. Et je dis, j'adore. Voilà, on a commencé l'émission avec Gérard Depardieu qui chantait Barbara. On la termine avec Juliette Gréco qui chante Madame Bovary, figurez-vous. Merci beaucoup, Jacques Weber, d'être venu nous parler de Flaubert ce matin. Merci. Emma Bovary, au fond de ta province, tu rêves au prince. Il adore le mari qui t'a donné son nom. Emma Bovary, pour qui es-tu jolie? S'en va la vie, mais qu'un seul jour est long. D'autres font de beaux voyages, toi tu fermes tes volets, et tes amants de passage sont des étrangers qui t'ont blessé. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps d'accueillir la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? J'aurais dû écrire. Très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Jacques Weber n'a pas fini de parler. C'est très beau. C'est magnifique. Ouais. Aurélien Bélanger est avec nous à distance. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Qu'est-ce qu'un roman policier? Eh bien, c'est en général un roman où quelqu'un meurt disons à 99%, ça exclut la lettre volée de Pau et d'autres exercices du même genre, mais c'est un bon point de départ. Il faudrait peut-être préciser un peu aussi, par exemple, quelqu'un meurt, c'est programmatique, dans la mort d'Ivan Illich de Tolstoï, mais cette mort ne fait pas l'objet d'un traitement policier, peut-être parce qu'elle est trop lente à subvenir. En même temps, cette lenteur irrévocable, c'est un peu le sujet du livre, et on sent même que du point de vue de Ivan Illich, ça va déjà beaucoup trop vite. Mais l'enquête est en quelque sorte inversée. La mort est à la fin au lieu d'être au début, sauf que le livre commence, faussement, innocemment, par notre héros qui range un livre dans sa bibliothèque et qui, en perdant l'équilibre, tombe de son escabeau et se démet l'épaule. Rien de bien grave, et la vie suit son cours, sauf qu'on apprendra à la fin que le mal qui devait emporter Ivan partit de son épaule. En quelque sorte, sa chute, nous l'ignorions alors, était déjà fatale. Bon, mais alors Aurélien, est-ce que la mort d'Ivan Illich est un roman policier ? Non, deux fois non. Déjà, il n'y a pas de coupable, sinon le pur hasard, la maladresse, voire la malignité de l'auteur. Et surtout, il n'y a pas d'enquête. Qu'on doive tous mourir, merci Tolstoï, on le savait déjà. Mais j'ai lu récemment, et je dois vous avouer que je ne le fais presque jamais, un polar authentique, un classique du genre, Brouillard au pont de Tolbiac, de Léo Mallet, un bon vieux Nestor Burma. Et la chose était un petit événement pour moi, qui déteste tellement que les gens meurent, que je dois vous avouer que récemment, je n'ai pas réussi à finir le fameux Columbo qu'a réalisé Spielberg. Trop violent pour moi. Alors que je n'ai aucun problème à regarder la liste de Schindler. Aucun problème, je veux dire, j'y arrive. Alors que je craque très vite devant un Columbo lambda. On sous-estime, je crois, la gravité métaphysique du roman policier. Bon, bah alors qu'est-ce qu'il y a pour vous de si singulier dans un roman policier ? Eh bien, je l'ai compris justement en lisant Brouillard au pont de Tolbiac, quand Nestor Burma se rend à la convocation d'un cadavre. Une vieille connaissance à lui, qui l'a fait venir, mais qui est morte entre-temps. Et il se retrouve classiquement à la morgue, face à un cas qu'il lui faudra éclaircir pour une fois gratuitement. Car le commanditaire de l'enquête, cette fois, ce sera le cadavre. Et voilà probablement ce que c'est qu'un polar sous sa forme la plus pure. Il faut que ça commence par un cadavre, car ce sont ses yeux fermés pour l'éternité qui vont pourtant se réouvrir en empruntant ceux du détective ainsi que son esprit. C'est presque une histoire de possession ou de zombification. Un polar, privé soudain de volonté propre, se confondant avec son enquête, le détective va réaliser les dernières volontés du mort. Mort qui survivra ainsi, par procuration, le temps que la vérité se fasse. Sauf que la vérité, lui, le mort, il la connaît, mais il faut qu'il arrive à faire passer cette connaissance du monde des morts à celui des vivants. Donc, pour répondre à votre question que je ne perds pas de vue, Aurélien, un roman policier, si je vous suis bien, bah c'est comme une séance de spiritisme. En quelque sorte, oui, et en tout cas, c'est ce que Léo Mallet a approché dans ce polar souvent tenu pour son chef-d'œuvre, polar proustien dans lequel Burma enquête aussi sur son passé anarchiste et se dédouble presque en la personne d'un détective enquêtant depuis plus de 20 ans sur l'affaire qui sous-tend celle-ci, un détective authentiquement revenu du monde des morts en tant qu'ancien déporté de Buchenwald, et donc Burma va un temps convoyer le cadavre sur le pont de Tolbiac, un pont qui devient un pont entre les vivants et les morts, pour le délivrer enfin en résolvant l'énigme qui l'empêchait de vivre, ou peut-être qui l'empêchait de mourir. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Jules Barbier, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions autour de Flaubert, Dalia qui était à la prise de son aujourd'hui. Ce matin, la lecture des textes, c'était mon invité Jacques Weber. On se retrouve demain pour la suite et fin des correspondances de Flaubert. Demain, on sera en compagnie de Marie-Hélène Lafont et nous parlerons des lettres que Flaubert adresse à sa famille, surtout à sa mère, à sa sœur, à sa nièce, avec cette citation qui revient et qui pourrait définir toutes ces lettres. La banalité de la vie est à faire vomir de tristesse. Rendez-vous demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission, mais surtout, restez à l'écoute sur France Culture.